ASMR, beat making. J'gâte galérer, chercher la douceur. Quand du mat, cherche de la fraîche. Ça parle même plus que sa flèche. T'as de beaux yeux, t'es une belle peau de pêche. Andale, j'sais même plus où aller. J'rentre dans la boîte qui est oasis qui est. Tous mes potes sont cramés. Douceur dans la Fiat 500. Nous on rêve de billets 500. Pourquoi tu m'appelles le sang? Quand t'appelles, y'a un bruit des 100. Chapeau de paille, des gains de cramé. Trahi mani pour tout ça jamais. Elle pousse son boule à gauche, à droite elle fait que se frotter. Oh oh, toi t'es ma beauté, t'es magnifique, je veux lâcher. Moi on va s'évader, ta copine faudra l'attacher. Au charbon que des sicarios, si demain ça marche pas, j'pète le casino. Killer, j'veux le dinero, y'a la cellule que du Gambino. On cherche la mise, on trouve un calage. J'y vois petit, pour toi moi j'vois large. J'me dis que j'pourrais tout niquer, dans la galère pour tout nous on nage. J'me vois sous les palmiers, j'veux le monde j'irai le chercher. Andale, j'sais même plus où aller. J'rentre dans la boîte qui est, oasis qui est. Tous mes potes sont cramés. Andale, j'sais même plus où aller. J'rentre dans la boîte qui est, oasis qui est. Tous mes potes sont cramés. J'suis qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est. J'suis qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est. J'suis qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est. J'suis qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est. Brunette, toi tu me plais. Fidèle et tu seras poupée. Trop de bâtards qui veulent me tuper. Ayama, moi je vais les braquer. Des folles à la queue le. Dans le cerveau de la veuve. Je m'en balèque pour tout, tu m'en veux. Tu sais pas si nous on parle peu. Je me refine dans punk. Le guitare enceinte. Calma, calma la jungle. Je t'enfume tes junk. Elle est andalée, vous boire un verre seul dans la jungle. Y'a mes potes qui est qui s'enfument solo seul dans la jungle. Marseille, l'Amazonie. Kalash, la symphonie. Tu nous connais pas, viens pas nous chercher, on est à l'ennemi. Je suis qui est, qui est, qui est, qui est.